Bienvenue à Playback, une capsule à voyager dans le temps qui vous retourne vers la décennie 80. Aujourd'hui à l'épisode 6, un spécial One Hit Wonders. 6 succès sans lendemain. Prêt pour le voyage? Alors partez votre table tournante, placez-y un micro-sillon and spin that record player round and round. Like it, that's enough. pretending a dance is just a dance, but I see he's dancing his way back to me. He's dancing his way back to me. Love said, let the music play. Let the music play. Just keep the groove and then he'll come back to you again. Let the music play. Let the music play. Let's go again. got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Vous êtes à l'écoute de l'émission Nostalgie années 80, Playback. Et cette semaine, les One Hit Wonders des années 80. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'expression, comme j'ai dit en ouverture, ce sont ces succès sans lendemain, ou un tube unique. C'est principalement une chanson ayant connu un grand succès populaire, interprétée par un artiste ou un groupe, mais n'ayant jamais connu d'autres véritables succès dans leur carrière. L'expression peut s'employer dans d'autres domaines, mais son usage est habituellement appliqué à la musique pop. On a ouvert la machine avec la formation britannique Dead or Alive, avec leur gros succès « You Spin Me Round Like a Record Player ». Cette pièce, sortie en 1984, a pris 17 semaines avant d'atteindre le numéro 1 du palmarès britannique. Rendue en 1985, cette pièce a fait le top 10 des palmarès dans une quinzaine de pays. Une chanson qu'on entend encore beaucoup de nos jours. Et allez voir sur YouTube la fameuse parodie de Jimmy Fallon du talk show américain The Tonight Show. Ça vaut vraiment la peine. On a ensuite écouté une pièce très populaire dans les dance clubs en 1984 avec High Energy de la chanteuse américaine Evelyn Thomas. Une chanson qui a fait le top 10 des palmarès dans une dizaine de pays. La troisième pièce était de la chanteuse Shannon et son hit Let the Music Play. Ce single, sorti en 1983, a eu un gros succès dans les dance clubs ainsi que dans le palmarès pop. Cette pièce peut être considérée comme le début de l'ère dance pop. Shannon avait sorti d'autres chansons par la suite, mais leur succès n'ont pu égaler celui de Let the Music Play. La quatrième chanson était réservée à une formation R&B de San Francisco, The Timex Social Club, et leur seul succès, Rumors, de 1986. Cette chanson a été numéro 1 au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Et la cinquième pièce, et oui, un bloc un peu plus long que d'habitude, on a entendu la formation Soft Cell et leur reprise de la chanson Tainted Love. Soft Cell, un groupe synth-pop New Wave de la Grande-Bretagne, avait repris cette excellente pièce de 1964. L'original avait été interprété par Gloria Jones. Peu le savent ça, mais la plupart connaissent la version de Soft Cell de 1981. Tainted Love a été repris et repris maintes et maintes fois. On pense aussi à Marilyn Manson qui l'a fait. Aussi, la version de Soft Cell avait été échantillonnée pour un des hits de Rihanna, SOS, en 2006. Alors, on repart en musique avec un autre gros One Hit Wonder de Tony Basil et Mickey. Oh, Mickey, you're so fine. Blow my mind, hey Mickey, hey Mickey. Oh, Mickey, you're so fine. who's watching me. J'ai peur de mon malheur. C'est une alarme, c'est un signal. je verse des larmes de détails. Dansons, and what you can't. Uh-huh. This is what you got to know. Love you though it didn't show. If you did not do it. Votre animateur Pat Moore. Et on termine le deuxième bloc et on l'a commencé avec Tony Basil et son seul succès musical en carrière, Mickey, de 1982. Tony Basil, qui était aussi une actrice et danseuse chorégraphe, elle avait repris cette chanson qui était originellement de 1979 et intitulée Kitty par un groupe anglais nommé Racy. On avait modifié légèrement les paroles et changé quelques arrangements pour la nouvelle version de Tony Basil, mais qui a été numéro 1 des palmarès canadiens et américains. La chanson a fait les top 10 dans une douzaine de pays. Un incontournable hit des années 80 qu'on entend encore énormément de nos jours. On a ensuite écouté l'artiste au nom de Rockwell et son One Hit Wonder, Somebody's Watching Me, de 1984. Kennedy William Gordy, de son vrai nom, est le fils de Berry Gordy, le fondateur de la compagnie et empire musical Motown. Vous savez déjà sans doute que le refrain de cette chanson était interprété par nul autre que Michael Jackson. Rockwell était un ami de Jackson et lorsque Jackson avait entendu le démo de cette pièce, il a tout de suite adoré et il a manifesté son intérêt de chanter le refrain sur la version finale. Par la suite, the rest is history, comme on dit. Cette chanson avait atteint le numéro 1 dans 5 pays et le top 10 dans à peu près une vingtaine de pays. La troisième pièce était réservée à la formation Soupir et leur succès New Wave Synth Pop québécois, Les Larmes de métal de 1983. Le groupe Soupir s'est formé et dissous dans la même année. Pour ceux qui ne le savent pas encore ou qui ne le reconnaissent pas, c'est bel et bien Normand Brathwaite qui chantait. Brathwaite avait présenté le clip de cette chanson dans le cadre de l'émission jeunesse Pop Citrouille. Brathwaite faisait partie de la distribution de cette émission télé. Ensuite, nous avons écouté de 1982 le succès québécois Pied de poule du groupe fictif Dolby Stereo, une chanson qui faisait partie du répertoire de la comédie musicale Pied de poule en 82. Une chanson écrite par Mac Drouin et Robert Léger, interprétée par Geneviève Lapointe. Et on a terminé ce dernier bloc avec une cinquième chanson. Normalement, c'est 4 pièces par bloc, mais je fais une petite exception cette semaine. Donc, on a entendu une formation allemande du nom de Trio et cet énorme succès Da Da Da de 1982. Cette chanson, quelque peu absurde, avait réussi à atteindre le numéro 1 dans plusieurs pays, ainsi que le top 10 dans une vingtaine de pays. Le 45 tours s'était vendu à 13 millions d'exemplaires dans le monde. On a entendu ici la version anglaise, Da Da Da, I Don't Love You, You Don't Love Me. Il y avait 3 versions enregistrées de cette chanson, une évidemment en allemand et une en français, qu'on entendait très rarement. On enchaîne avec le bloc numéro 3 avec une autre formation allemande, le groupe Nena et 99 Red Balloons. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, to one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in summer sky, 99 red balloons go by. Sure, control is not convinced, but the computer has the evidence.

taking my stride. On a ouvert le dernier bloc avec la formation Cookie Dingler, une chanson qui a eu un gros succès ici au Québec et en France, la pièce Femme libérée de 1984. On a ensuite écouté l'artiste belge Philippe Lafontaine avec sa chanson Cœur de loup, tirée de son album Femme Anonyma de 1989. Cœur de loup est d'abord sorti en 1978 en 45 tours. Elle a passé complètement inaperçue. Ce n'est qu'à sa seconde sortie en 1989 qu'elle connaît le succès en Belgique, France et au Québec. La troisième pièce du bloc était réservée au groupe autrichien Opus avec le gros succès Live is Life de 1985, une chanson qui a été numéro un au Canada et dans plusieurs pays européens. Et la dernière pièce venait de l'artiste américain Matthew Wilder et son seul succès, Break My Stride de 1983 de son premier album intitulé I Don't Speak the Language. On retourne en musique avec une chanson de l'acteur Patrick Swayze et She's Like the Wind. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight only to burn me with the sun. Taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. I feel the breath in my face.

On termine cet épisode sur les One Hit Wonders avec un dernier bloc qui a commencé avec une chanson de Patrick Swayze et le titre She's Like the Wind, tiré de la trame sonore de Dirty Dancing en 1987. Tout au long de cette chanson, on peut aussi entendre la voix d'une dénommée Wendy Frazier. Patrick Swayze est malheureusement décédé du cancer le 14 septembre 2009. Ensuite de ça, je vous ai passé un autre gros succès qu'on entend encore beaucoup sur les radios et les playlists, la pièce « I Just Died in Your Arms Tonight » du groupe Cutting Crew. Cette pièce est tirée de leur premier album intitulé « Broadcast » de 1986. Ce succès a été numéro un dans 4 pays, incluant le Canada et les États-Unis. Cutting Crew, un groupe anglais, a quand même sorti 5 albums en carrière, mais on va se rappeler 2 pour une seule chanson. Et on a terminé cette émission avec la formation américaine Quarter Flash et la chanson « Heart in My Heart » de 1981. Ce groupe a sorti aussi quelques albums à leur actif, mais on va se rappeler 2 uniquement pour la pièce « Heart in My Heart ». Et malheureusement, c'est là-dessus que se termine l'émission de cette semaine, l'épisode 6 sur les One Hit Wonders. J'aurais pu passer du matériel pour une autre heure. Des One Hit Wonders dans les années 80, c'est pas ce qui manquait. Mais on doit passer un autre appel car on aura d'autres thématiques à couvrir. Je serai toujours de retour la semaine prochaine pour un autre format mixtape. Vous devez absolument pas la manquer, celle-là. Une émission très variée avec du pop, du rock, du dance, du québécois, etc. Chaque bloc contiendra son propre style. Et évidemment, il y aura les petites reliques cachées et des petites surprises. Vous savez, je travaille quand même assez fort à monter ces épisodes-là. Je dois creuser loin dans mes souvenirs. N'oubliez pas aussi de partager mes épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous connaissez des amateurs de Nostalgie 80, faites circuler ça, faites vos commentaires, vos shout-outs. Et aussi, abonnez-vous à mes pages 80s Backspace en cliquant sur les logos Instagram et Facebook. Je vous laisse avec une autre petite dernière, quelque peu quétaine, mais qui reste toujours une chanson qu'on entend encore beaucoup de nos jours. La chanson Tarzan Boy du groupe Baltimora. Take care et à la prochaine. On a sunny afternoon.